Si tu écoutes, j'annule tout. Charline, c'est qui votre invité aujourd'hui? Ah, vous voulez savoir? Oui, allez, on dit, qui est-ce qu'ils sont invités? Alex, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice, André Manoukian, Thomas BDB, Oussama Ben Laden. Je pense qu'on est très nombreux autour de la table, juste pour vous passer ensemble un très très bon moment. Voilà, tout le monde est venu. Amusez-vous bien et amusez-vous. Merci Laetitia Gaillet, prenez soin de vous. Allez écouter comment nous n'avons pas préparé cette émission ce matin. Allez, c'est parti. Salut à tous! Salut Charline! Bon bah voilà, on termine l'année comme on l'avait commencé. En plus, un 13 novembre, c'était la journée mondiale de la gentillesse. Bah heureusement que c'était pas celle de la méchanceté. Hein. Mais c'est con de faire une journée mondiale de la gentillesse un vendredi 13. Ouais, bon, est-ce que vous avez envie de résister? Oui, on fait l'émission! Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qui veut un café? Non, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'être ensemble, de sourire, de musique, de boire! Non, ça on peut pas le CSA. Mais non, mais pas boire pour se saouler, mais boire pour résister. Ah, si c'est la résistance, le CSA, bah oui! Alors d'accord. Ok, désolé, Jean Moulin, le résistant c'est Johnny Walker. Ouais, bon ça fait pas une émission. On va parler de musique. Oui. Ouais, faut que Dédé soit là. Et Mélanie. Et Thomas. Ah, très bien, on appelle tout le monde. Voilà. On déplace l'invité du coup. C'était qui l'invité? Lady Gaga. Non. Mais non. Excuse-moi, je suis pas à côté de la plaque. Ouais, bon, parfait. Donc on le fait en famille, nous et puis tous les auditeurs. Voilà, comme un apéro en terrasse. Ouais, exactement. Ça. Bon, allez, hop, les sujets. Charlie. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. Oui, par exemple, moi je n'aime pas du tout le métal, mais j'aime beaucoup la cuisine cambodgienne et le foot. Ah, bah moi j'aime pas le foot, enfin le métal et la cuisine cambodgienne. Moi j'aime le foot et le métal, mais je suis incapable de bouffer avec des baguettes. Voilà, donc c'est impossible de ne pas se sentir concerné. Mais l'émission elle va ressembler à quoi alors? On verra bien. Oh oui, allez, on verra. On se laisse vivre. Bonjour la France Inter, bonjour à tous les dépravés de la Terre qui aiment le rock, les verres en terrasse et le sport. Vous écoutez plus qu'une émission, vous écoutez un espace de liberté, de satire, de musique, de culture, d'amitié, avec un peu d'alcool. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre prétention que de se faire du bien. Voilà, tous, à vous derrière le poste, nous en studio, passer tout simplement 7 heures ensemble. Et puisque nous sommes idolâtres, on parlera beaucoup de rock. Et parce que nous aimons les fêtes de perversité, on boira un coup. Toute la bande est rassemblée presque au complet pour tenter de vous offrir le moment le plus chaleureux qui soit. Et je suis bien sûr accompagnée de celui qui est un soutien quotidien et inconditionnel dans les jours sombres comme dans le rire et souvent dans les deux, c'est Alex Vizorek. Et vous en êtes une autre, Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui, une équipe pléthorique pour qu'on se tienne tous bien chaud. Aujourd'hui, on se fiche qu'il n'ait pas de thème à sa chronique. C'est Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour Alex, bonjour à tous, bonjour Charline. On va parler de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, on se fiche de ne pas tout comprendre à ce qu'il dira. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on parlera? On va parler de la musique du diable. Le diable est un formidable musicien qui a enseigné, entre autres, Robert Johnson, Bulgakov, enfin bref. Et Christophe May, et Frédéric François. Justement, il en a raté quelques-uns, c'est ça qui est con. On se fiche aujourd'hui qu'il est de la mauvaise foi, c'est Guillaume Meurice. Ah bon, moi j'en ai jamais. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler des résistants, moi, ceux qui boivent des coups en terrasse de café. Très bien, et aujourd'hui on se fiche de ne rien connaître aux chansons qu'elle nous présentera. Bonjour Mélanie Bauer. Oui. Aujourd'hui on parle d'amour évidemment, puis d'amour pour les Parisiens, le tout en musique. Très bien, et aujourd'hui on avait surtout envie d'avoir nos amis autour de la table, alors ils sont venus. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Alex. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour Alex. Et elles vous passent le bonjour parce que je les ai eues et elles ont envie de vous tenir chaud aussi. C'est Clara Dupont-Mono et Isabelle Sorrent. Eh ben donc, l'invité en fait c'est toute cette tablée. Oui. Et donc, vous êtes en terrasse! Ils sont en terrasse! Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et voilà, une émission pour se tenir chaud jusqu'à 18h. Je voyais en une de Libé, la génération Bataclan, qui est aussi une génération Charlie. Il y en a plein autour de cette table. Et notamment Thomas VDB, l'amoureux du rock, de l'humour. Ils ont tenté de tuer l'actualisique. Oui, ils ont tenté de tuer l'actualisique, mais ils n'y arriveront pas à tuer l'actualisique. L'actualisique est plus fort que tout. Non, je suis venu évidemment parce que pour faire acte de présence, voilà, on n'est pas tous à avoir préparé quelque chose ici parce qu'on n'était pas tous censés être là aujourd'hui. Tu peux leur expliquer que c'est pas du metal, Eagles of Death Metal ou pas? Voilà, déjà. Je sais pas, mais quand bien même. Question, c'est vrai qu'on pouvait être étonné de savoir qu'il y avait autant de fans de death metal. Alors, mais Eagles of Death Metal, c'est pas un groupe de death metal, c'est un groupe de rock and roll. Bon, pas, c'est un peu bas du front, c'est du rock'n'roll vraiment un peu basique, mais bon, qui est hyper bien, avec un batteur qui est dans Queens of the Stone Age, qui est un groupe de rock hyper reconnu dans le monde entier. Mais voilà, mais peu importe finalement que ce soit du death metal ou pas du death bien metal, sûr. Parce que les musiciens de death metal, qui est un genre de musique américain, ça a jamais tué personne, c'est un genre de musique hyper agressif, le death metal. Mais là, ça en est pas en l'occurrence. Et puis même, ça en aurait été, de toute façon, ça aurait été... Mais ça aurait été moins grave, peut-être. Je ne sais pas. Tente de trouver des... Il y a beaucoup de disques de death metal assez inutiles. Non, mais voilà. Il n'y a pas de justification artistique de l'attentat. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Ça, c'est important de le préciser. C'était plutôt joyeux et foutraque, quoi. La musique, elle est presque, c'est presque une musique de parodie avec des petits pianos. Oui, voilà, c'est un mélange de glam rock, de rock'n'roll. Alors, en plus, il y a une dimension parodique dans l'histoire. C'est-à-dire que... Parodique, oui. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de ce genre d'info. C'est important de savoir que le chanteur de Eagles of Death Metal était quand même quelqu'un d'assez pro-Bush. Je jette un truc à la table un peu. Mais je pense que les djihadistes n'étaient pas assez cultivés, je pense, en musique pour aller jusqu'à savoir ça. Détrompez-vous, nous le savions. Sinon, je pense que c'est le premier mec qui aurait été visé dans ce pauvre carnage. Mais voilà, c'est comme il y a des rockers de droite américains, il y a ZZ Top, il y a Ted Nugent qui sont des mecs qui sont pour les armes à feu. C'est déplorable, mais c'est comme ça. Et nous, on a Michel Sardou. Et on a bien Michel Sardou. Juliette Arnaud, oui, vous êtes une dépravée qui dit, qui fréquente comme beaucoup d'entre nous, mais c'est aussi vos quartiers, vos lieux d'abord, de vie. C'est mon lieu de vie, c'est mon quartier, tout ça. Et puis moi, c'est la dernière fois que j'ai vu Oasis réunis en concert. Donc c'est sacré. C'était au siècle dernier, non ? C'était déjà... Ta gueule. Je jure ma vie. Ta gueule. Donc Liam et Noël s'adressaient encore la parole. Enfin non, ils chantaient ensemble. Enfin bon, non, ouais. Ils essayaient de faire un concert ensemble. Donc, c'est super triste cette affaire. Et puis, Frédéric Fromet, vous avez joué au Bataclan en 2012. Ouais, en première partie de la chanson du dimanche. Et j'avais un groupe qui s'appelait Fromet of Death Metal. D'accord. Bon, il est question de rire, de musique, d'amitié, de chaleur. On boit un coup si jamais chez vous. Hein, n'hésitez pas à déboucher une petite bouteille, voilà. Ça fait du bien. Hein. C'est pas pour se saouler, c'est pour résister. On le verra tout à l'heure avec Guillaume Meurice. Allez, toute la bande est là. Et puis, on a choisi ceci. Parce que voilà, il y a des circonstances où ça fait du bien, la Marseillaise, et puis encore plus en reggae. Puis si vous avez un spiff, hein, allez. Et voilà, ça bouge. Voilà. N'importe quoi. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant. Il y a du chanteur autour de la table. Ah ouais. Personne ne veut faire un bruit de bouche dessus. Samir. Bah, j'ai essayé de faire un truc un peu, tu vois, je me suis adapté à la situation. Samir Boisy, ouais. On appelle à la paix en chantant aux armes. Oui, c'est ça. Vous préférez Mille Colombes ou quoi? Je suis pas loin de préférer Mille Colombes. Moi, je tiens à dire que je voulais Michel Thor, emmène-moi danser ce soir. Parce qu'elle voulait sortir, elle voulait aller s'amuser et son mari lui interdisait. Et c'était un acte fort. Et on m'a interdit ce choix musical, c'est de l'obscurantisme musical. chante-le, Alex, chante-le un peu. Non, je le garde dans mon cœur. Vous êtes sur France Inter et on passe une heure ensemble, tout simplement. Tout le monde est là. Voilà, on avait simplement envie d'être ensemble avec vous. Tiens, Samir Bouadi, oui. Un bide au théâtre vous a sauvé la vie. Bah oui, parce que mais c'est exactement ça. Si vous aviez eu du talent, Samir, vous seriez mort. Si j'avais eu le minimum de talent avec Bruno Moineau, que je salue, qui nous écoute et qui nous regarde d'ailleurs, hein, il nous a vu picoler en plus. Ben voilà, la pièce aurait le CV serait prolongé. Enfin, on a commencé le. Vous jouiez dans quel théâtre, Samir? Au Petit Palais des Glaces. Mm-hmm. Et on a beaucoup joué. Oui, on a beaucoup joué. Alors pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est en face de la Bonne Bière. Alors en fait, c'est exactement en face de la Bonne Bière, et on avait nos habitudes au Casa Nostra, des gens très sympathiques chez qui on allait prendre une pizza, blabla. Et c'est vrai que c'est des lieux vraiment qui ont été touchés, rafalés, quoi. Donc c'est terrifiant de voir les images. Et de se dire que voilà, donc ça sert à rien de le dire, mais en même temps, vive c'est le bide, le bide le plus c'est salvateur le de la planète. Le plus rassurant de l'histoire du théâtre. Et lui, on peut pas faire de bide avec lui. C'est Hippolyte Girardot. On peut pas, Hippolyte Girardot, les événements vous ont inspiré quelques lignes. Quelques lignes, oui, vraiment quelques lignes. De la douceur, allez-y, on vous écoute. L'autre jour, on a visité Paris. Incroyable comme tout est propre. J'ai l'impression de marcher dans une cuisine. Tout est rangé à sa place. Les immeubles ont l'air de gros gâteaux de pierre, les voitures sont garées comme dans une boîte de sardines. Il y a une rivière qui coule au milieu et des ponts partout, avec des lumières sur les ponts dans des vases en verre suspendus à des ferrailles. La tour Eiffel aussi est en ferraille. Je me demande bien comment elle peut tenir, on dirait de la dentelle. La nuit, une énorme lumière tourne en haut comme un phare. Je te jure, frangin, c'est très impressionnant. En bas, on entend parler toutes les langues. Il y a toutes sortes de gens différents, un peu comme les soldats des Nations Unies. Ils font des photos, c'est drôle. La tour Eiffel est tellement grande qu'ils ne savent pas du tout comment la photographier. Tu te souviens, frangin, quand on a vu la pyramide au Caire? Ça, c'est pas compliqué à prendre en photo. Mais, comme tu me l'avais fait remarquer, c'est à l'intérieur que c'est très compliqué. C'est tout ce qu'on ne voit pas. J'habite avec qui tu sais dans une cave qui n'est pas dans Paris. On nous a marqué une croix sur le mur pour connaître la direction vers où prier parce qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est comme un cachot, mais je m'y sens bien. Je m'y sens en sécurité. Le chef nous explique tous les jours ce qu'on va faire. Il est très fier de nous. Enfin, de moi. Surtout, parce que qui tu sais pose 10 fois la même question comme s'il ne comprenait rien. La nuit, il parle tout seul. Alors je le réveille, je le sermonne comme le chef et il m'écoute et il se calme un peu. Je crois que j'aurais pu devenir un grand chef moi aussi. Mais, tu sais, c'était pas mon destin. C'est important, frangin, de suivre son destin. Moi, j'ai la chance d'avoir été choisi. Peut-être toi aussi, un jour, si Dieu le veut, tu seras choisi et je t'attendrai là-haut. Je ne serai pas seul, si tu vois ce que je veux dire, mais il y en aura pour toi aussi. Comme tu le sais, si je t'écris, c'est que je t'écrirai plus. J'espère que je vais réussir et qu'on te félicitera pour ce que je vais faire tout à l'heure. Le chef nous a donné des pilules blanches avec notre repas et je commence à sentir les effets. Je sens rien d'autre qu'une énorme force en moi. Comme dans Iron Man, tu te rappelles, quand il met sa panoplie qui se colle automatiquement sur lui. Moi aussi, j'ai mis ma panoplie. Je suis Iron Man. Je suis plus fort que la Tour Eiffel. J'espère que qui tu sais sera à la hauteur. Il m'a dit qu'il voulait absolument manger un hamburger avant d'entrer dans le stade. Va falloir que je surveille. Ah, s'il te plaît, frangin, prends soin de maman, notre sœur. Je sais que les frères s'occuperont de vous, mais rappelle-toi de ce qui est arrivé à la veuve de celui qui s'est fait attraper dans le métro à Londres. Elle a été envoyée dans le camp au sud et on l'a jamais revue. Bon, mais t'inquiète pas pour moi, je te ferai pas honte. Ah oui, un truc, une dernière chose. L'autre jour, quand on revenait de la visite de la Tour Eiffel dans le RER, une jeune fille s'est assise en face de moi, même âge que moi. Elle portait pas le voile. Mais enfin, tu sais, ici, les filles, c'est n'importe quoi. Elles fument, elles boivent de l'alcool aux terrasses des cafés devant tout le monde. Elle n'avait pas attaché ses cheveux, elle était blonde et elle portait un maillot de l'équipe de France sous sa veste. Tu sais ce qui était écrit ? Benzema. Elle m'a souri. Le chef était là, alors j'ai tourné les yeux. Mais peut-être je la vois au stade, si Dieu le veut. Hippolyte Girardot. Merci Hippolyte. Et dans ces cas-là, il faut se surpasser, hein, dans ces circonstances, pour écrire. Bravo Hippolyte, d'être arrivé jusqu'au bout. Et merci pour ce magnifique texte. Vous êtes sur France Inter, toute la bande est là. Est-ce que certains voient la Tour Eiffel différemment aujourd'hui? Je sais que vous avez un peu la gorge serrée après le texte d'Hippolyte. Ah ouais, il nous fait chialer. C'est bon, si je bois plus, je vomis. Ceci étant dit, Hippolyte est un connard. Merci. Non mais c'est vrai que la Tour Eiffel, c'est une femme. Ouais. Paris est symbolisé par une femme. Ouais. C'est une prise de position féministe sous prétexte qu'on est un peu. C'est vrai qu'on la regarde maintenant avec les yeux de l'amour. La Tour Eiffel, elle était là dans le décor et puis voilà. Elle allait pas t'écarter en même temps. Oui, alors justement, vous me tendez une perche parce qu'on se disait et l'humour dans tout ça. On est quand même une émission qui tire sur tout ce qui bouge, qui fait de l'humour, etc. Et au lendemain de l'attentat à Charlie, on s'en est pas privé parce que là, c'est le droit à la satire et au blasphème qui était visé. Cette fois, c'est plus difficile d'essayer de sourire, mais aussi le plaisir et le divertissement qui est visé, la vie tout simplement. Donc la satire, ça fait du bien, c'est aussi une tradition française, comme le verre de rouge ou de blanc au comptoir ou à la terrasse. Et donc l'humour doit être là, il doit continuer. Les garçons, oui, Alex, l'humour, Guillaume, c'est nous. L'humour, c'est nous. Vous avez travaillé. L'humour, c'est vous, c'est l'incarnation. Allez, c'est parti, c'est parti. Oui, Charline, les auditeurs l'ont remarqué, il n'y a pas aujourd'hui de journal de presque 17h17. Non, déjà merde. Parce que le flash de la rédaction a duré jusqu'à presque 17h17. Mais aussi parce qu'on ne savait pas si on pouvait rire. Voilà, alors on a décidé simplement de poser des questions. Voilà, des questions en lien avec l'événement, alors on en dit Guillaume. Oui, alors première question en lien direct, Jeannette Bougrabe est-elle en deuil? Voilà, et si oui, de combien? Question qui se pose. Autre question, lequel des 9 djihadistes va avoir le premier le soutien de Dieudonné? On attend avec impatience. BFM TV va-t-elle annoncer le lieu et l'heure des perquisitions prévues dans les jours qui viennent? On ne sait pas. Tant qu'on parle de télé, ça c'est un peu triste, vendredi soir, c'était la dernière de Secret Story et donc personne ne s'est vraiment intéressé. Ça n'a rien à voir avec les attentats. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Autre question qu'on se pose, qu'est-ce que Charb et Cabu et les autres auront dit aux victimes quand ils seront arrivés ces derniers jours? Je ne sais pas, peut-être. Et vous avez dessiné quoi? Oui, peut-être, c'est la bonne question. Alors, autre question, samedi, les ultras de l'OM ont affiché une banderole, on est Paris, est-ce que c'est un signe de la fin des temps? Ou est-ce que les Marseillais s'estiment battus puisqu'ils deviennent la ville la plus sûre de France? C'est vrai, en une seule soirée. Football toujours, j'ai fait des recherches et apparemment ça faisait à peu près 70 ans qu'on n'avait pas entendu des bombes pendant un France-Allemagne. Oui, d'ailleurs Baptiston aurait déclaré à refaire, je préfère celui de 82. Voilà. Autre question, si la France est en guerre, est-ce que ça veut dire que tous les journalistes présents sur le territoire sont des correspondants de guerre? Et si c'est le cas, est-ce que Jean-Pierre Pernaud a versé une petite larmichette d'émotion. Pensez que jamais que ça lui arriverait. Et dernière question, près de 68 heures après ces attentats de Paris, étonnamment toujours aucune revendication officielle de la part de Dieu. Ah oui, coïncidence, nous ne le pensons pas. Merci Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Tiens, je citerai volontiers Romain Gary dans La Promesse de l'Aube. J'adore sa vision de l'humour. Je citerai volontiers, et ça vient d'en haut. J'adore. L'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Donc, rions. Même quand c'est de mauvais goût ou pas, parce que j'ai une chronique qui arrive après. je vais chercher une citation de Romain Gary pour vous sauver. Moi, je voulais faire une citation de Kierkegaard, mais j'ai oublié malheureusement. Thomas VDB, vous qui êtes dans ce milieu de la musique, de la fête et puis aussi de l'humour. Vous qui êtes dans ce milieu de la fête. Vous qui êtes idolâtre et qui allez dans ces fêtes de perversité. Absolument, c'est vrai. Peut-être plus que nous tous autour de cette table, parce que c'est aussi comme votre métier. Mélanie Bauer. Beaucoup de concerts de rock au Bataclan. Vous avez réussi à faire, je sais pas, vous avez utilisé un peu l'humour ou là, vous étiez ouvert un peu. L'humour, j'avouerais que depuis 3 jours, c'est vrai que bon, c'était après les événements Charlie, il y avait ce truc, allez, c'est pas grave, on rigole et tout. Et puis, c'est le même message un peu qu'on voit là. J'ai vu des dessins qui étaient là, mais non, à Paris, c'est le champagne, c'est la fête, t'es la mec. Ouais. On va attendre 2 minutes avant ça. Voilà, je pense que voilà, on n'avait pas. L'humour, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai pas prévu de texte aujourd'hui à faire aujourd'hui. Et enfin, ce week-end chez moi, je me disais, si j'avais une chronique que j'avais dû écrire aujourd'hui en rapport avec les événements, je pense que j'aurais été, je sais pas, c'était un peu dur parce que voilà, je pense qu'on est tous très touché. Alex, je veux dire, Guillaume et moi, on a joué hier et avant-hier, on avait envie, enfin on ne s'est même pas posé la question, on s'est dit il faut y aller. Et évidemment, il y avait beaucoup de public, malgré ce qu'on peut penser, les gens avaient aussi envie, il y a des gens qui sont venus exprès pour combattre. Ah oui, merci et le djihad, hein, voilà, c'est un petit message qu'on peut passer. Et c'est vrai qu'en arrivant sur scène, il fallait bien dire quelque chose, donc j'ai posé la question à un public, j'ai dit est-ce qu'il y a des djihadistes dans la salle? Et ça a tout de suite désamorcé la chose. C'est très des projets qui demandaient est-ce qu'il y a un juif dans la salle. Voilà, mais je pense que c'était important de connoter aux gens, on est ensemble et ça. Même de savoir s'il y avait des djihadistes dans la salle. Effectivement, si quelqu'un avait levé la main, ce serait à la situation. Vous bien sortir, s'il vous plaît. On est ensemble sur France Inter, avec y a qui autour de la table? Alors, dans l'ordre, Thomas VDB, Samir Mouadi, Pauline Girardot, Frédéric Fromet, Julien Arnaud, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice, Charline Van Nunacker, André Manoukian. C'est pas vrai. C'est chronique, André. Moi aussi, j'ai joué ce week-end. Mais moi, comme c'était de la musique arménienne avec un doudouk comme ça, tout le monde pleurait déjà dans la salle. Moi, les gens pleurent toujours. Allez. Sinon, j'ai passé le week-end à lire les tweets. Et parmi les innombrables tweets émouvants que j'ai passé ce week-end à lire, au milieu des quelques tweets imbéciles signés Nadine Morano et Gilbert Collard, il y en a un qui m'a quand même particulièrement fait gerber. Il était signé par le rédac chef d'un journal d'extrême droite qui s'appelle, je ne le citerai pas, son journal de merde, voilà. Et son tweet, c'était ça. Le groupe Eagles of Death Metal est un groupe satanique, aimant le porno et la drogue. Les démons se combattent entre eux. En gros, ils l'ont bien cherché, les victimes aussi, donc. Alors, il n'est qu'à écouter quelques secondes le groupe pour se rendre compte que la musique foutraque et joyeuse des Eagles of Death Metal exprime tout sauf un sentiment morbide. On laissera donc la fascination de la mort aux pauvres débiles qui ont commis les massacres de vendredi. Débiles qui, lorsqu'ils prennent le pouvoir en Afghanistan ou en Syrie, posent devant des instruments de musique qu'ils font brûler. Ils ne savent même pas que ces instruments, ce sont eux qui les ont inventés, que le violon vient du rebec arabe, que la flûte vient du ney, que la harpe vient de la lyre, que la guitare vient du oud, que Mozart et Beethoven ont découvert les percussions, les cymbales et les timbales dans l'orchestre des janissaires, le corps d'élite des troupes ottomanes. Ils ne savent pas que les plus beaux poèmes sur le vin ont été écrits au XIIe siècle par Omar Khayyam, l'immense poète perse, que l'Iran était le pays des vignes. Ils ne savent pas qu'au XIIIe siècle, les imams dans les mosquées, à la fin des prêches, donnaient des cours d'éducation sexuelle aux garçons en leur expliquant, avec toute la sensualité de la langue arabe, comment bien embrasser les filles, en donnant des petits coups de langue, comment mordiller gentiment. Bon, enfin, vous m'avez compris, Charles. Mais oui, je suis à côté de vous, voilà. Ils n'ont pas lu le Coran, où il est écrit que lorsque Allah insuffla l'âme à l'homme, un ange chantait. Ils n'ont pas lu les poèmes de Rumi, le mystique persan qui donna naissance aux derviches tourneurs qui dansent au son de la musique jusqu'à l'extase comme on danse au son d'un groupe de métal. Rumi qui méfréquentait les chrétiens et les juifs autant que les musulmans. Ils ne savent pas qu'à Cordoue, le même bâtiment servait de synagogue le vendredi, de mosquée le samedi et d'église le dimanche. Ils ne savent pas que le savant arabe Averroès a traduit Aristote et que c'est par lui que la sagesse grecque est revenue en Europe. Quand on dit que les barbares sont restés au Moyen-Âge, mais vous déconnez, le Moyen-Âge était formidable de culture et de tolérance dans le monde arabe. Cette régression sans précédent a commencé au XXe siècle. L'islam des grandes cités historiques du Caire ou de Bagdad est un islam éclairé. Mais ces grandes cités ont perdu leur puissance au profit des monarchies pétrolières et de leur vision rétrograde. Alors ils ont perdu la mémoire. Alors les illettrés ont pris le pouvoir en ravivant la peur du diable. Mais qui est le diable ? Un de ses noms au diable, c'est Lucifer. Ça vient du grec lux phoros et ça veut dire le porteur de lumière. Et en fait, c'est l'entité qui transforme les esprits en matériel, le spirituel en matériel. C'est celui qui incite Ève à croquer la pomme pour que les humains s'incarnent. C'est un guide sur le chemin de la connaissance. Comme le diable de ce fantastique bluesman des années 30, Robert Johnson, qui lui accorda sa guitare une nuit à un carrefour. Comme le diable de Bulgakov dans Le Maître et Marguerite, qui parle à des dirigeants staliniens en leur disant « Vous croyez pas en Dieu, mais vous êtes des imbéciles. J'étais là quand ils ont crucifié son fils. I was there when Jesus Christ had his moments of doubt and fear. » C'est ce que chante Mick Jagger dans Sympathy for the Devil. Yeah, man. C'est Downton Spain, pas chez eux. Ah oui. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment. Doubt of pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. You guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Il faut chanter, c'est le plus grand moment de l'histoire de la musique. Allez-y, ce solo de guitare. Là, pour le coup, Dédé. Non, c'est le diable, c'est le diable dans cette guitare. C'est le diable qui l'inspire, c'est le diable qui a peut-être accordé sa guitare, parce que oui. Sinon, pour le reste, on peut dire que ses solos, ils sont pas géniaux. On est d'accord. Vous avez tous vu la vidéo où Keith Richards il se fait remonter par Chuck Berry qui lui explique d'accorder sa guitare. C'est ça. En fait, non, ce qu'il y a de sympa avec les Stones, c'est qu'ils ont, ils sont vraiment dans la filiation des bluesmen de Chicago, et c'est là qu'ils vont. Et puis, ils ont les meilleures répliques d'interview ever. Keith Richards disant : soyons clairs, je n'ai pas de problème avec la drogue, j'ai un problème avec la police. Et oui, j'ai bien reçu une noix de coco sur la tête. Franchement, un mec qui sniffe les cendres de son père, moi oui. Je dis respect. Vous êtes sur France Inter oui. Et on fait n'importe quoi, mais on est ensemble et c'est ça qui compte. Il y a autour pas mal, de la y a table. Pas mal de gens sur Twitter qui ouais. Sont d'accord et qui sont contents qu'on fasse n'importe quoi, alors on vous salue. Et il y a des gens qui posent des vraies questions, notamment quelqu'un qui dit ça fait quand même 2 heures que Nadine Morano n'a rien posté. Et quelqu'un répond elle est peut-être restée coincée dans la minute de silence. Et évidemment, on espère tous bah, si que ça durera rester, c'est plus très longtemps. Allez, autour de cette table, Alex. Oui, Thomas VDB, Samir yeah. Boadi, Hippolyte Girardot, Frédéric Fromet, Juliette Arnaud, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice. Charline Vanhoulaker vous-même et André Manoukian. Dites donc, et ça vous a rappelé des choses que vous aviez perdu de vue autour de cette table. Je vous pose une question collégiale, parce qu'on est un petit peu en congrès comme à Versailles. Hein. Oui. Boire des coups en terrasse, aller écouter du rock, ça nous rappelle que c'est des symboles surtout de liberté. Que là, ça y est, on a une vraie raison. Excuse géniale pour aller tirer le banc tous les week-ends. Elle coûte cher, mais c'est un acte citoyen. Est-ce que quelqu'un pourrait revenir sur les infos qu'on a entendues juste on annonce une partouze, je ne sais pas quand. Oui, mercredi prochain. Je vais me renseigner parce que c'est vrai que ce n'était pas clair. Qu'est-ce qu'on doit amener ? Parce que c'est ça l'idée. Et c'est le souci avec les vieilles personnes. Ça devient de plus en plus libidineux avec l'âge. C'est pas ça. C'est que, bon, quand il y a des initiatives citoyenne comme ça. Alors, vous n'avez pas les résultats d'Alexis Zorek qui vient de taper sur son écran partout dans Google. Et là, alors, c'est vraiment... Mais, parce que vu qu'il n'y a pas de filtre, on a tout là, vraiment. Je vais dans l'actualité directement. Et en plus, on va avoir la RG sur le dos. Hippolyte Girardot, tout va bien ? Vous êtes à côté de Frédéric. Très bien, à côté de Frédéric. Bon, très bien. Également. Pourtant, c'est dangereux d'être à côté de Frédéric. C'est pas dangereux, vous, Guillaume Meurice ? Absolument pas. Alors, aujourd'hui, c'est ce matin, vous êtes allé à République. Oui, alors moi je suis très content. Parce aujourd'hui. Que toujours sur le terrain, Guillaume, il faut jamais lâcher l'affaire. Moi je suis très content parce que j'ai toujours rêvé d'être reporter de guerre. Et d'habitude, mais ouais, c'est vrai que d'habitude la guerre c'est loin, c'est chiant. Faut prendre l'avion, il y a le décalage horaire, il y a BHL. Hein, ouais. Ouais, la guerre c'est peut-être des balles qui sifflent, mais c'est aussi des trous de balles qui parlent. Ouais, c'est pénible. Et là, bam, coup de bol, la guerre à 3 stations de métro de chez moi. Alors bon, je me suis rendu ce matin, comme on dirait dans le langage militaire, sur le théâtre des opérations. Alors, j'adore le langage militaire. Ouais. Le théâtre des opérations. Qu'est-ce qu'on y donne ce soir ? Et comme d'habitude, une mauvaise tragédie. Mais pour une fois, Francis Huster n'y est pour rien. Non, c'est la guerre. Et je me suis rendu donc place de la République ce matin pour rencontrer ceux qu'on appellera les résistants. Vous les connaissez, peut-être même que certains dans cette équipe en font partie. Il s'agit, voilà, j'entends Juliette, hein, qui ferait peut-être une super résistante à elle toute seule. Hein, les fameux citoyens qui boivent des coups en terrasse. Je les ai donc interrogés. Bon, je prends pas ça comme un acte de résistance, mais ouais, ça me dérange pas de boire un coup en terrasse. On n'est jamais plus en sécurité que 3 jours après un attentat. Et oui, c'est vrai, on se sent parfaitement en sécurité après un attentat. Il y a des flics absolument partout. Alors la plupart sont des policiers municipaux. Mais bon, si un djihadiste arrive et il se gare en double fil, bam, le flic intervient. Il a le carnet à souche et là, le djihadiste, il fait pas trop son malin normalement. Contrairement à cet autre résistant qui lui buvait un café. Enfin, des résistants, il faut, hein, parce que du coup, si on reste terré chez soi, ben c'est un petit peu l'objectif atteint pour ces gens un petit peu tarés là. Donc du coup, est-ce que vous êtes un peu le Jean Moulin de la caféine? Ah, peut-être pas le Jean Moulin. Je suis dans la catégorie amateur. Eh oui, si j'avais été Frédéric Fromet, j'aurais fait un excellent jeu de mots à base de Jean Moulin à café. Non, aujourd'hui je suis reporter de guerre et j'ai poursuivi mon chemin sur le front. Non, Frédéric, pas de blague à base de front dégarni d'Alain Juppé, tout ça. Gardez vos nerfs, bon sang. Et puisqu'on parle de nerfs et de guerre, parlons nerf de la guerre. Bien sûr. Oui, c'est une transition de reporter de guerre. J'ai regardé toutes les VHS de Bernard de la Villardière. Je me suis inspiré de son style. Enquête au cœur du conflit. L'argent. Quel est le prix du café en terrasse à Paris? Alors le mien, il m'a coûté 2,60€. Est-ce que c'est pas ça finalement, se faire assassiner en terrasse? Ouais, bah disons que la liberté aujourd'hui, elle semble un petit peu chère. Donc 2,60€ à côté de ce qui se passe. Eh oui, la liberté est très très chère à Paris. Hein. À 2,60€ le café en terrasse, d'habitude, ça provoquait seulement des douleurs au niveau de l'anus. Mais dorénavant, ça peut être beaucoup plus grave. Mais ces résistants n'ont pas peur. Hein. Ils ne craignent pas d'éventuelles récidives qui auront lieu. Nous le savons, la France entière retient son souffle en craignant une nouvelle chanson de Francis Lalanne. Toute la France, sauf cette dame. Non, j'ai eu un peu peur des pétards hier soir, mais si c'est Francis Lalanne, je préfère. Hein. Vous aimez bien Francis Lalanne? Non, enfin bon, je veux dire, c'est quoi la chanson? Pense à moi. Putain. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible comment je chante ou c'est pas possible Francis Lalanne? Non, vous chantez comme... pas mieux. Voilà, moquez-vous, je ne suis pas chanteur, je suis reporter de guerre, je vous le rappelle. Puisqu'on parle de chansons, une salle de spectacle a donc été visée. Est-ce que ces résistants sont prêts à aller à un concert? Je vais être libre comme j'étais avant. Un concert de Lara Fabian, par exemple. Pourquoi pas? Moi, je n'ai rien contre personne. Bon. C'est vrai, vous seriez prêt à aller voir un concert de Lara Fabian? Non, pas vraiment, mais bon. Ah oui, quand même. Non, il faut quand même pas exagérer. Même Vizorek, hein, vous iriez pas. Pourtant, Alex, il s'y connaît en chanteuses françaises qui font flipper. Vous allez voir Michel Thor en concert. J'adore. Si son lifting pète en plein milieu, ça fera plus de morts que Daesh, hein, je vous signale. Hein. Rigolez pas, Manoukian. Hein. Vous avez un nom de résistant, mais vous faites la promotion du terrorisme musical à la télé. Vous n'êtes pas clair non plus. Hein. Parlons plutôt de bouffe. Ça va mettre d'accord tout le monde, la bouffe. Manger, c'est ce qu'était en train de faire ce résistant, tranquillement, en terrasse. Un petit peu, oui, bien sûr. Ben oui, il faut être comme ça maintenant. Hein. On n'a pas peur. Hein. C'est un panini au jambon? Jambon et pommes de terre. Est-ce qu'il y a un message politique après que ça soit au jambon? Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Ça, on a pas chacun a sa religion, il faut respecter ça. Mais oui, il faut respecter ça. Mais il y a pire que de ne pas le respecter, il y a ne plus oser en rire. Et moi, ça serait ça, ma religion. Rire, continuer à aller boire des coups, écouter de la musique, coucher avec des filles. Ce que certains appellent de la perversion et à qui je répondrais, perversion Akbar. Merci, Guy Maris. Bien, hein, ouais, ouais. Merci, hein, à cette, ouais, résistance. Pardon ? Les gens qui résistent, ça m'a ému, moi. Je vois à quoi leur semble. Bah, mais oui, Frédéric Fromet, vous préparez votre chanson de vendredi ? Oui, oui. Vous qui êtes le spécialiste des situations de crise. Ouais, bah là, c'est un peu compliqué parce que les terroristes n'ont pas des noms rigolos. Il paraît que t'as été payé par un État, machin. Non, t'as pas retourné ta veste. Non, pas encore. Est-ce que vous avez prévu des actes de résistance, comme aller boire des bières en terrasse? C'était prévu à l'avance. Bon, vous n'allez pas changer vos habitudes, évidemment. Non, je vais le faire de manière exponentielle. Ouais. Ça va être vraiment très inquiétant. Et dans un quartier ciblé, juste pour faire la nique Ah bah je vais faire les bars, tout, voilà, tous ceux qui seront en face, j'y serai. Ouais. Des infos sur la partouze, hein. 18h jeudi, apparemment, début dans 3 jours. Et alors, il est que sur les 55 000 invités sur Facebook, 7 767 ont dit je viens. Il y en a 13 803, peut-être. À mon avis, ils attendent d'avoir l'avis d'André, donc ils hésitent encore un peu, et donc il en reste quand même encore une bonne trentaine de mille qui savent pas s'ils vont venir ou pas. Donc est-ce qu'ils vont venir à deux, à mon avis, vous venez tout seul, hein. vous faites pas chier. Il y aura un stand malin. Hippolyte Girardon, on parlait de génération Bataclan, génération Charlie et tout. Il y a plein de générations. Vous, c'est la génération. Moi, c'est la génération Stones. Quoi. Voilà, donc, Stone Bataclan, et Charlène. Yes. Moi, je me souviens très bien du bar du Bataclan. Dans les grottes de Lascaux, ça allait bien déjà. Parce que c'est Hippolyte Girardon, des souvenirs du bar du Bataclan. C'est une très belle salle à cause de ce bar. Quoi. C'est la seule, peut-être, à Paris, quoi qu'il soit, comme une salle en Angleterre, en fait. Ouais. Quelle que soit la musique qu'on y joue. Et moi, quand je suis allé 2-3 fois, c'était uniquement pour ce bar. Voilà. C'est vrai que le bar, il est dingue. Oui, pourquoi à l'anglo-saxonne, vous voulez dire? Oui, l'anglo-saxonne, c'est vraiment le bar où on boit de la bière, en même temps on la pisse contre le bar. Enfin, c'est ça. Quand on est en situation de bien sûr. C'est très convivial la musique en Angleterre, c'est très convivial. Thomas VDB, vous confirmez? Mais pourquoi qu'en Angleterre? Je peux te dire que ça m'est arrivé de faire la même chose dans un bar à Chinon, où j'ai grandi. Et si mais après, rappelez-vous Thomas, il y avait la police après. Je présente mes excuses au patron du bar de Chinon, qui a trouvé une flaque d'urine. Vous êtes une belle bande de dépravés. Hein. De salopios, comme on dit. Salopios dépravés, même vous Manoukian. Oui. Enfin, moi j'attends toujours des renseignements sur... Depuis qu'on a annoncé votre présence, 3-4 000 en plus. Vous êtes sur France Inter, et vous avez compris, nous n'avons aucune autre prétention que de passer du temps avec vous et de se faire du bien. Et d'essayer de rire. Les sujets sont légers. J'aime souvent citer ma grand-mère qui dit « Puisque le malheur nous accable, avalons la douleur et elle boit un coup. » Voilà. C'est marrant parce que je vais citer la grand-mère de Kierkegaard. mais je sais plus ce qu'elle a dit. Je trouve que voilà, c'est comme ça. Alors, il y a un autre symbole autour de cette table, de la musique, de la sortie, de la fête, de la vie. Après, le reste, c'est le privé. Mais c'est Mélanie Boer. Ça, c'est votre problème, les vieilles femmes. Je salue le public de France Inter. Mélanie Boer qui vient de Nova. Elle a des choses à nous apprendre, Mélanie. Aujourd'hui, il me paraît donc nécessaire de célébrer les insouciants. C'est nous, les frivoles, les buveurs de spritz, les Parisiens du centre, avec d'abord nos préférés, ceux qu'on a l'habitude de détester. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on baise les roues de leurs poussettes de compète, qu'on lèche leurs sacs en toile remplis de légumes bio et qu'on sourit tendrement en les regardant traverser au feu avec leurs trottinettes, nos bobos. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'en garde. Hildegard, c'est pour vous Thomas. Et puis, ceux aussi qui ont été touchés en plein dans leur bulle de bonheur, de rocker, les hipsters, on vous aime, vous êtes comme les bobos, mais avec des barbes, des cheveux ondulés, de longues vestes, des pantalons serrés aux chevilles, des chaussures aux épaisses semelles. Vous êtes les jeunes décadents de Paris, des égoïstes, des je m'en fichistes. Vous êtes les nouveaux Zazous. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance! Les cheveux tout frisottés, le col au le 18e. Ah, ils sont zazous. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre. Ah, ils sont zazous. Et oui, c'était des résistances. Les Zazous, ils organisaient des surprise parties sous Vichy, dansaient sur du jazz américain, ils buvaient comme des trous. Et lorsque les lois raciales de Pétain et des nazis obligeaient les juifs à porter l'étoile jaune, les Zazous collaient sur leurs vêtements de dandy leur propre étoile, estampillée Zazou, swing ou goy. Et puis, aimons aussi aujourd'hui les fêtards militants qui se prennent invariablement des seaux d'eau sur la tête parce qu'ils font trop de bruit en fumant des clopes sur les trottoirs. Gros câlin à eux, toujours opprimés de ne pas pouvoir continuer à picoler. Allons enfants, Bataclan, c'était en 1991, contre une certaine mairie RPR, la Mano des Gras, un morceau qu'on a envie de chanter aujourd'hui. Et puis, je lave les pieds spécialement aujourd'hui, en ce jour, à, je répète plein de jours, plein de fois, à tous mes copains d'origine contrôlée, iconoclastes et patrons de bar qui ne respectent rien, ni la haine, ni Dieu, ni les Rolling Stones. Permettez-moi de me présenter, je suis de mon goût, qui aime la vie et la foi des gens. Soyez sympa, soyez courtois. Rencontrez-moi dans l'au-delà et je vous dirai qui je suis. Je suis le démon, démon des ténèbres. N'ayez pas peur. Eh oui, ça dépote, Sympathy for the Devil des Stones par l'Orchestre National de Barbès. Et puis, n'oublions pas nos salmômes qui se trimballent avec des bouteilles d'eau dans les clubs de musique électronique défoncés au Doliprane. De gros poutous aussi à nos copains rappeurs qui font des collecs de baskets et de vinyles de funk. Vas-y, mets Booba à fond dans la caisse. Et enfin, je voudrais protéger nos petites fleurs métissées comme la jolie Riff Cohen, née en 1984 dans une ville en guerre, enfin en état de guerre, Tel Aviv, d'une mère algérienne et d'un père israélo-tunisien. Elle a grandi aussi à Nice et chante ce Paris qui nous ressemble. Il faut qu'on devienne des soldats de la fête. Il faut vraiment qu'on saoule en buvant de la bière dans des gobelets en plastique pour affirmer notre joie, notre solidarité, notre culture. C'est avec ce rock-là désespéré et culte qu'on lèvera très très haut le coude. Noir Désir, ici Paris. Oui, alors mettez le bordel que vous voulez pendant l'intro, parce que nous sommes idolâtres, on parle de rock, parce qu'on aime les fêtes de perversité, on boit. Et on est sur France Inter aussi, on embrasse le CSA. Michel Thor, non. Non, il n'y a pas. Allez, Noir Dez, c'est parti. We'll be right back.